psaume 60. Au chef des chantres, sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tchoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Succo. À moi Galaad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda, mon spectre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. »